Bonjour, les Pieds dans le Slab, c'est toutes les semaines une rencontre avec un habitant de Lyon-sur-Mer qui a quelque chose à nous dire, une passion, un souvenir. N'hésitez pas à nous contacter. C'est parti. Bonjour, donc ici c'est l'émission Les Pieds dans le Slab. Aujourd'hui nous sommes chez Philippe Derum. Alors, pourquoi on vient voir Philippe Derum? Philippe Derum a plein de choses à nous raconter. Entre autres, il a eu une longue carrière, parce qu'il a 84 ans, c'est ça ? Voilà. Donc, il a eu une longue carrière de peintre. Oui. Alors, tu peignais quoi ? Eh bien, j'étais comme tous les peintres qui débutent. Je faisais des natures mortes, je faisais une petite peinture pour apprendre déjà à maîtriser les formes. Et en fait, je me suis un petit peu ennuyé pendant des années parce que je faisais la peinture de tout le monde. Et un jour, j'écoutais la radio et je lisais les magazines de mon époque et j'ai découvert tout ce qui se passait en Amérique sur les droits civiques et Martin Luther King. D'accord, c'est là que tu as commencé ta série de portraits. On en voit beaucoup de noirs. Eh ben, non, parce que je vivais à Paris dans un milieu où j'allais beaucoup dans les restaurants africains. Et j'avais des copains africains qui me servaient de modèle. Et tout d'un coup, ces histoires de droits civiques en Amérique m'ont permis d'utiliser l'expérience que j'avais de dessiner des Noirs. Et je trouvais que c'était un sujet extraordinaire pour un peintre. D'accord. Parce que c'est le sujet qui... c'est le thème qui m'est tombé dessus. C'est pas moi qui l'ai choisi. Oui, c'est ça. Et donc tu l'as décliné sous plainte. C'est-à-dire que j'ai commencé... Je me suis pris pour un peintre d'histoire, un peu comme Courbet, si tu veux, ou Delacroix. Mais j'ai beaucoup travaillé parce que je n'avais pas la technique à l'époque. Mmh. Donc, il a fallu que je fasse des progrès de peintre. Et puis, petit à petit, eh bien, j'ai eu des contacts avec la Fondation Ménil à Houston, qui a accumulé beaucoup de documents sur mon travail, en vue de me mettre dans un livre qui était sur l'histoire de la représentation des Noirs dans l'art, en trois volumes. Et puis, Dominique de Ménil... est morte au mauvais moment où le troisième tome allait sortir et où j'arrive sûrement des choses. Et puis toutes mes archives de la Fondation Ménil sont passées dans une autre fondation. À Washington, Washington. J'ai toujours le nom qui m'échappe et c'est une des plus célèbres d'Amérique. Et voilà, on en est là et bon, les années ont passé. Maintenant, j'en fais moins, mais j'en ai fait beaucoup et... là, je suis sur un moment de stagnation. Je ne crée plus beaucoup de choses nouvelles. Je vis avec mes tableaux que je retouche quand ils méritent de l'être. C'est le travail n'est jamais fini. Non, le travail n'est jamais fini. D'accord. Il me semble que tu m'avais raconté que tu avais fait la connaissance d'un écrivain là, connu, noir américain. Ah oui, quand je vivais à Paris. Je vivais donc dans un milieu où il y avait des Africains et j'avais des Noirs américains aussi. Et j'ai rencontré James Baldwin quand je vivais à Saint-Germain-des-Prés. D'accord. D'ailleurs, j'ai participé à un article qui est sorti il y a 2 mois sur lui. Il y a eu un film récemment qui est sorti sur lui. Oui. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais de lui, je connais assez peu de choses. Je connais qu'un livre qui s'appelait « Un autre pays » où il exposait les problèmes raciaux en Amérique. Mais c'était un personnage très très gentil, un petit peu feu-follet. Et en fait, je n'ai pas eu l'occasion de parler de littérature beaucoup avec lui. On était des copains de restaurant, des copains de terrasse de café. Parce que je l'ai rencontré par d'autres Américains. Donc j'ai un peu témoigné des souvenirs que j'avais de lui. D'accord. Alors, toi... Ton travail aujourd'hui, je crois que tu passes beaucoup de temps à collecter des objets. Non, je découpe depuis 50 ans des images dans tous les magazines, dans tous les livres. Et tu jetteras un coup d'œil. Et je fais des collages d'images. D'accord. Et ça devient un truc obsessionnel parce qu'en fond, je traite toujours le même genre d'images. Et alors, dans les espaces vides, j'écris des textes en écriture automatique, qui est une espèce de rabâchage, où je dis toujours exactement la même chose, mais ça fait 50 ans que ça dure. Finalement, tu dis que tu ne crées plus, mais quand même si. Parce que moi, je crée comme un insecte, tu sais, qui a des pattes de devant qui cafouillent de la terre, comme ça, je veux dire, c'est un automatisme, c'est une occupation. Et c'est comme ça que ça doit être fait, parce qu'on laisse échapper de soi des choses très subtiles comme ça. Ce n'est pas le résultat d'une volonté, c'est l'accumulation d'une manie. D'accord, et pas envie d'exposer ces choses-là? Oui, mais alors tu sais, je voudrais que ça soit très bien fait, et puis j'ai passé l'âge de vouloir me montrer. Tu vois, à une époque, je trouvais que c'était très important de montrer ces tableaux pour exister aux yeux des autres, et puis maintenant, en vieillissant, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de continuer à faire ce qu'on a commencé pour aller le plus loin possible sans savoir très bien où on va. Parce que si on sait où on va, c'est moins intéressant. Ça fait un très bon sujet qui va aller dans le sens de la première question que j'avais prévue. D'accord. Alors, pour faire ton portrait, on va s'y prendre de cette façon-là. D'abord, trois questions. Voilà. Les questions qui sont venues à la tête, attendez. Comme ça. Ouais. Ensuite, un petit peu de musique que tu auras choisi. Oui. Et puis ensuite, je te proposerai 10 mots. Ouais. Que tu me... Ah bah, c'est très intéressant, voilà. Ça. Donc, la première question, ça fait la transition avec ce que tu viens de dire. Ouais. Ma première question, c'était, où aimerais-tu aller? En tant que voyageur? Où aimerais-tu aller? Au chaud. Parce au chaud. Oui, j'ai besoin d'avoir chaud. Ici, j'ai froid en Normandie. Et alors, j'aime bien la Normandie parce que j'ai fait des allers-retours dans ma vie, dans le Midi, en Espagne et tout ça. Et je suis toujours venu en Normandie parce qu'en fait, c'est l'origine de ma famille. Mais à chaque fois que j'y suis, j'ai envie de repartir parce que j'ai froid. Et alors, en vieillissant, j'ai de plus en plus froid. Bien, deuxième question. Ouais. Que ferais-tu si tu étais aveugle? Ah, ça, c'est une belle question. Si j'étais aveugle, eh bien, je ferais peindre les tableaux que je vois par quelqu'un. Alors, je lui dis... Parce que il y a des tableaux que tu vois, toi, dans ta tête, imagines dans ta tête. Bah oui. Et tu les ferais peindre par quelqu'un d'autre. Oui, alors moi, je vais dire, moi, les meilleurs tableaux que j'ai faits, je les ai faits en me couchant à 8 heures du soir et en m'inventant à un film où j'étais en train de peindre un tableau. Et le matin, j'avais rêvé toute la nuit de ce tableau et il était fait dans ma tête. Et il suffisait que j'aille dans mon atelier pour le faire dans un temps assez rapide parce que j'avais résolu les problèmes et les étiquetations en dormant. Et je trouvais... Alors, si j'étais aveugle, ah oui, j'aimerais faire ça par quelqu'un. Et alors, comme je ne verrais pas le résultat, je lui dirais de me décrire ce qu'il voit. Et alors, c'est justement l'écart entre ce qu'il voit sur les injonctions que je lui aurais données et ce que moi, je vois, qui ferait que j'aurais envie d'en faire un deuxième. Bien, deuxième question, troisième question. Ouais. De qui aimerais-tu écrire la biographie? Alors ça, j'ai beaucoup aimé lire des biographies. Il faudrait... d'abord, pour écrire la biographie de quelqu'un, il faut l'avoir connu, c'est-à-dire un contemporain, ou avoir beaucoup entendu parler de lui, c'est-à-dire que c'est un personnage du passé. Ça, c'est une question difficile. Quand tu parles de biographie dans laquelle je me suis vraiment régalé, la plus belle que j'ai lue, c'est celle de Talleyrand par Jean Aurieux, parce que c'est une extraordinaire intelligence, c'est un escroc. C'était un personnage, oui, il était dans tout, il était à l'extrême. Tu as visité le château de Valençay? Non, je ne l'ai pas visité, mais j'ai beaucoup aimé le livre d'Aurieux, qui est merveilleux. Et j'avais vu autrefois une pièce de théâtre qui s'appelait Le Souper. Oui. Je ne me rappelle plus les acteurs qui jouaient, je crois qu'il y avait Claude Brasseur qui faisait le rôle de Fouquet. Oui. Il y avait des scènes. J'ai un ami qui m'a écrit l'autre jour qu'il l'avait revu à la télévision, et tout d'un coup, il y a des petites scénettes qui me sont venues. Il y a un moment où Fouquet et Talleyrand parlent de politique, et pendant qu'ils parlent de politique, il y a des gens qui cassent les carreaux du salon dans lequel ils sont, tout ça au théâtre. Hein. Et Talleyrand lui fait goûter un très bon vin, et alors il est assis à côté de lui sur un canapé, et il lui dit, il explique à Fouquet, à Fouché qu'on ne prend pas un verre de vin comme ça, on le prend dans la gueule, on le respire, on le suce un peu, et après on en parle. Et en fait, Fouché n'est pas venu pour discuter de vin, Il est venu là pour sauver sa tête et perdre celle de Talleyrand. Il avait des choses à se reprocher. Oui, il avait des choses à se reprocher. Et alors, il y a un effet de théâtre fabuleux. Brasseur, qui est un petit bonhomme un peu ramassé sur les mains comme ça, il écoute Talleyrand, on voit qu'il est très agacé. Tout d'un coup, avec sa main, il rase la table et il envoie le verre de vin contre un mur. Et là, j'avais trouvé que c'était du grand théâtre. Donc, on voit que tu aimes bien les personnages ambigus. Ah ben, ambigus, il y a ceux-là qui sont intéressants. Oui. Non, parce que s'ils sont ambigus, ils le savent qu'ils sont ambigus. Donc, ça leur crée aussi un sujet de réflexion. Bien sûr. Talleyrand, c'est le bel exemple de celui qui a traversé tous les régimes. Oui, mais en fait, il a fait ça pour le bien de la France. Oui. Parce que quand les gens qui servaient n'étaient pas à la hauteur ou qu'ils étaient excessifs, il essayait de les calmer. Mais ils se sont calmés. Très bien. Nous allons faire une petite pause musicale. Oui. Bien, sur la proposition de Philippe, c'était Les Murmures de la forêt de Lohengrin de Wagner. Voilà. Oui, parce alors, que c'est très doux et très calme, ça fait du voilà, bien. Voilà, ça fait du bien, un peu calme. C'est comme un bon savon. c'est comme un bon savon de bain de bonne qualité. Bon, alors maintenant, on va faire un petit jeu. Voilà. Ouais. Je te propose 10 mots. Ouais. Sans réfléchir. Sans réfléchir. Voilà, tu me dis. Le premier mot, c'est confort. Confort, c'est ce que tout le monde recherche, mais l'excès de confort, c'est comme une anesthésie qui vous empêche de voir le monde extérieur aussi. Donc il faut du confort, mais mesuré, pas trop. D'accord. Parce que trop, ça devient une... c'est comme des béquilles, je veux dire, on ne voit plus ce qui se passe. On s'endort. Oui, on peut s'endormir, oui. S'endormir, c'est agréable aussi, mais... trop de confort, il en faut juste un peu pour supporter la vie de tous les jours. Voilà. Ok, deuxième mot, avenir. Oui, ben moi je n'ai pas d'avenir, moi tout est dans le passé, ce que j'aime c'est manger une salade pas fanée, du riz qui a un peu de goût, et puis qu'il fasse beau, et de ne pas avoir trop froid aussi. D'accord, troisième mot, outil. Outils ? Ah, ben, j'en ai pas beaucoup des outils, mais j'aime bien utiliser toujours les mêmes. Mais je suis pas tellement adroit de mes mains. C'est étonnant pour quelqu'un qui fait ben, de la peinture. Oui, mais par exemple, j'aimerais beaucoup faire de la menuiserie parce que c'est propre. Mais la plomberie, j'hésiterais. Puis l'électricité, j'aurais surtout peur de m'envoyer des décharges électriques. Non, moi j'ai très peu d'outils, mais je les aime bien. Et alors, comme je les aime bien, j'ai peint les manches des marteaux, je les ai décorés comme des enluminures du Moyen-Âge. Mmh. Et comme ça, je sais que c'est les miens. D'accord. Méthode. Il n'y a pas de méthode. La méthode, c'est une chose qu'on improvise au mieux. Il ne faut surtout pas avoir peur d'en changer. Parce qu'il ne faut pas s'enfermer dans une méthode. Parce que s'enfermer dans une méthode, c'est fermer des fenêtres pour ne pas voir ce qui se passe à côté. Donc, il faut essayer de piquer un peu à droite, à gauche, et pas de méthode. Il faut toujours improviser. D'accord, notre sixième mot, alors là. C'est quoi? C'est un mot merveilleux. Un gros mot. Ah oui, un gros mot. Art. Ouf, je suis un peu écœuré, moi. Non, parce que alors l'art, il y en a marre. Alors l'art contemporain, pour moi, pour les 9 dixièmes, ça va finir en déchetterie, parce que c'est vraiment sans intérêt. Et alors là, j'ai l'air d'être complètement ringard quand je dis ça, mais plus ça va, plus je le pense. Les gens s'encombrent de pas de laideur, mais de choses qui n'évoquent rien. Et je pense que notre époque est très malade de ça. Parce que c'est même dans le plan des idées. On émet des idées qui ne sont pas fondées sur des choses très solides. Moi, j'écoute beaucoup la radio, j'écoute beaucoup France Culture. Et j'écoute beaucoup radio. Attends, comment ça s'appelle cette radio Courtoisie. Ah oui, c'est alors, ça. Ah oui, hein, une radio d'extrême droite. Oui, non, mais moi, la droite, la gauche, c'est pareil. Oui, c'est une mission culturelle. Oui, oui, mais alors, on entend des savants, des gens d'une intelligence extraordinaire, mais qui disent des conneries, mais on a envie de leur tordre le cou, tu vois, tellement c'est con, tu vois. Et alors, l'art, ben, c'est l'art dans. Tu vois, quand tu me dis le mot art, ça a presque un côté escroquerie. C'est l'art d'envelopper n'importe quoi pour faire passer. D'accord. Sixième mot, vengeance. Ah, moi, j'avais beaucoup envie de me venger quand j'étais jeune. Mais je pardonne tout parce que les gens qui vous ont fait du mal, ils ont eu des raisons. Ils ont eu des raisons de te faire du mal. Pas des raisons contre toi, mais ça vient de leur éducation et de ce que tu avais vécu. Je pense que les gens... On n'a pas à se venger de qui que ce soit, il faut comprendre. Si on comprend les gens, on leur pardonne, je crois. D'accord. Mais d'accord avec moi, là? Non, mais moi, je... T'as rien à dire? Moi, j'ai rien à dire, je suis non, neutre. J'ai besoin d'être approuvé. Non, je n'ai rien. Pas, bon. Non, ça t'appartient, d'accord. Moi, j'ai rien à dire. Bon. Métal. Hein? Métal. Métal. Je ne suis pas un fou du métal, moi. Le métal, non, c'est pas mon truc. J'aime mieux le bois. Le métal, moi, quand tu me dis métal, je vois des carlingues d'avion qui brillent. La Tour Eiffel. Ah, la Tour Eiffel, c'est très très beau, oui. Oui, évidemment, c'est. Oui, mais ça, c'est dans des formes. Moi, quand je dis du métal, je vois le matériau même. Oui. Ça ne me parle pas beaucoup. Couleur. Couleur. Ah, ben ça, c'est le gros piège, la couleur. Picasso disait qu'à la fin de sa vie, il n'avait rien compris à la couleur et qu'il admirait la façon dont les autres s'en servaient parce que lui n'avait rien compris. Et en fait, c'est... Moi, j'ai des gros problèmes avec la couleur, quand je peins, mais pas avec les formes. Mmh. Pour moi, la couleur, c'est comme si je débutais à chaque fois. Et si j'ai réussi des tableaux avec de la couleur, c'est vraiment... C'est parce que je n'ai pas pris de risque aussi. Mmh. Et alors, c'est ce que je m'en reproche. C'est que je... Ah oui, alors ça, c'est intéressant, ce chapitre. Parce que la couleur, je crois qu'il n'y a pas de couleur laide et des couleurs belles. La couleur la plus laide peut être tout à fait précieuse et belle par rapport à celle que tu mets à côté. Mmh. Donc ça, je ne sais pas le faire. Mmh. Mais il y a des peintres qui savent le faire. Bah, c'est un peu là-dessus qu'ont beaucoup travaillé les impressionnistes, quand même. Pas tellement, parce que je trouve que leur palette était assez simple. Non, ceux qui ont beaucoup... Le fait qu'une couleur... Prendre l'importance ou pas oui, par rapport non, à... ça, moi, je ne pense pas aux impressionnistes, je pense plutôt aux peintres de la Renaissance de l'école de Fontainebleau. Oui. Alors, je vais te dire, parce que ce qu'ils faisaient, ils faisaient des paysages avec des couleurs arbitraires. Mm-hmm. C'est-à-dire que tout d'un coup, le mec te faisait un ciel vert de gris, foncé, et le sol, je ne sais pas avec quoi il le faisait, mais quand tu regardais le paysage et que tu fermais les yeux, tu avais le souvenir d'un ciel bleu clair. Mm-hmm. Et parce qu'il avait joué... Oui. Il avait joué. Alors ça, c'est très, très savant. Oui, parce qu'il ne se servait jamais, il ne se trompait jamais. C'était intuitif, mais... Ouais. Et alors moi, quand je lisais les mémoires de Malraux, c'est lui qui avait entrepris de faire nettoyer les fresques de Fontainebleau, il y allait tous les jours parce qu'il disait qu'en portant la crasse, il était étonné. Mm-hmm. Il voyait des femmes qui étaient violet foncé sur des ciels kaki, et quand il revenait chez lui, il disait, j'ai vu des femmes avec des carnations d'une peau rose absolument idéale. Mm-hmm. Donc ça, là, il y a un mystère avec la couleur. Feuilleton. Oh, ben ça, je ne suis pas un amateur de feuilleton. Moi, je ne lis pas des feuilletons. D'abord, je lis moins maintenant. Bah, feuilleton, si, j'aurais bien voulu lire Le Comte de Monte Cristo en feuilleton, parce que c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Mais le format feuilleton, non, moi j'aime bien avoir un vrai livre dans la main. J'aime pas attendre l'épisode suivant. D'accord, très bien. Et pour finir, le dixième mot, passage. Passage. Bon, on fait que passer. Moi, je suis de passage, toi aussi, et je trouve que le passage est très court. C'est vrai. Parce que... On ne fait pas grand-chose, en fait, dans notre vie. Hein? Très bien, bah, on va s'arrêter là. Ouais. Et puis, tu as choisi pour suivre une musique Miserere d'Allegri. Ouais. Et l'adagio de Barbe. Ouais. Alors, merci Philippe. Et puis, ravi de cette conversation. C'est moi qui te remercie. J'espère que vous serez intéressé par... Moi, je pense que j'en suis sûr. Et moi, j'espère que tu auras passé un moment agréable. Ah, tout à fait, oui. Voilà. Au revoir, Philippe. Au revoir, mon grand. Très, très bien. Très, très bien.